Le saviez-vous ? Sexe vient du latin sexus, lui-même dérivé de l'infinitif secare, ce qui signifie couper, diviser. La reproduction sexuée est donc une affaire de coups de ciseaux, de scission entre deux genres, mâle et femelle, mais aussi de scission d'un matériel génétique diploïde en une seule paire de chromosomes qui va constituer le gamète. Pourquoi ce type de reproduction a-t-il été massivement sélectionné puisque 95% des espèces vivantes le pratiquent ? Comment la reproduction sexuée est-elle apparue ? Et pourquoi a-t-elle perduré malgré ce que certains biologistes qualifient de gaspillage ? Bref, pourquoi la nature copule ? Pourquoi la nature préfère le sexe ? C'est le problème coquinou que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tâcher d'y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Tatiana Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS, directrice adjointe de l'UMR Écologie, Systématique et Évolution à l'Université Paris-Sud et future récipiendaire, me dit-on dans l'oreille, après-demain du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D, Institut de France, pour vos travaux de recherche sur l'étude génomique de la diversité des champignons. Donc félicitations. Merci. En avance. Et nous allons être rejoints dans quelques minutes par Pierre-Henri Gouillon, qui est entre autres professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Il devrait arriver dans quelques minutes maintenant. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour en direct sur le fil Twitter de l'émission en vous abonnant au compte @laméthodefc. Ceci étant dit, Tatiana Giraud, je le disais à l'instant, 95% des espèces vivantes ont recours à la reproduction sexuée. Celles qui ont recours à la reproduction asexuée, on le verra tout à l'heure, sont en général des espèces qui ont perdu leur faculté à la reproduction sexuée. On peut donc parler d'un succès évolutif écrasant. Et pourtant, quand on regarde d'un peu plus près, ce succès évolutif, il n'est pas du tout aussi évident que ça. Pourquoi ? Oui, ça reste une énigme scientifique. Il y a plusieurs hypothèses, mais qui sont pas encore tranchées. Donc, c'est une grande énigme parce que, a priori, quand on regarde le succès des espèces clonales, il apparaît beaucoup plus grand que des espèces qui perdent du temps à faire de la reproduction sexuée. Si on imagine une femelle qui se reproduit toute seule, qui fait des clones identiques à elle-même, déjà, si elle arrivait à l'âge adulte, c'est qu'elle avait une combinaison génétique qui était pas si mauvaise que ça. Donc, a priori, faire des petites filles et qui donneront des femelles identiques à elle-même. Parce que les clones sont toutes femelles, forcément. Voilà. Et donc les femelles auront la même combinaison génétique qu'elles-mêmes, donc devraient être assez bonnes pour survivre jusqu'à l'âge adulte. Et puis en plus, elle ne perd pas son temps à aller chercher un partenaire sexuel, à mélanger ses gènes avec lui. Donc a priori, ça a tous les avantages. Et puis au bénéfice d'une petite recombinaison par-ci, par-là, même si c'est évidemment moins un brassage génétique que la reproduction sexuée, finalement, bon, le génome, comme il y a beaucoup plus d'individus, il évolue beaucoup plus, enfin il y a beaucoup plus de capacité, de potentialité en tout cas d'évolution. Il peut y avoir des mutations génétiques, voilà, des mutations. Effectivement, beaucoup plus de mutations, mais plus effectivement, il n'y a pas de brassage génétique. Voilà. On ne peut pas recombiner entre elles des allèles avantageux. Pourquoi est-ce que, je le disais dans la présentation, pourquoi est-ce que certains biologistes qualifient de la reproduction sexuée de gaspillage ? Mais donc, c'est ce qu'on appelle même le double coup des mâles ou le double coup du sexe. Si on reprend notre image d'une femelle parthénogénétique clonale, elle va faire à chaque génération, si on imagine une femelle qui peut élever à chaque génération deux enfants. En fait, dans la plupart des espèces, les femelles élèvent seules leurs enfants. Donc, c'est vraiment les femelles qui déterminent le nombre d'enfants qui est laissé à la génération d'après. Donc, si une femelle peut faire deux enfants, une femelle parthénogénétique, elle va faire deux filles, qui chacune vont faire deux filles. Donc, sa descendance croît en puissance 2. Ce qui est gigantesque. C'est le fameux problème de Sissa sur l'échiquier, où on se retrouve au bout de l'échiquier avec des milliards, de milliards d'individus. Et une femelle sexuée, au contraire, elle fera un mâle et une femelle en descendant. Et donc, la femelle fera un mâle et une femelle, et la femelle fera un mâle et une femelle. Et donc, en moyenne, elle laisse qu'une femelle à chaque génération. Et donc, sa descendance croît pas. Et donc, elle fait beaucoup moins de descendants que la femelle parthénogénétique. Et c'est ça que les biologistes appellent le gaspillage. Voilà, le double coup. Le double coup, voilà. Alors, on va remonter un peu aux origines. On suppose aujourd'hui que la reproduction sexuée est apparue à peu près en même temps que la vie. Oui, c'est-à-dire, oui, au départ, il n'y avait pas vraiment d'individus à proprement parler, en fait. Il y avait du matériel génétique même dans le milieu, ou même à partir du moment où il y a eu des premières cellules, elles étaient capables d'absorber de l'ADN, de l'information génétique du milieu. Donc, il y avait finalement du mélange tout le temps. Alors, il y avait du mélange génétique. Alors, il faut rappeler que les premières cellules ne sont pas toutes, ne sont pas, loin s'en faut même, ne sont pas eucaryotes. Les premières cellules, a priori, sont des cellules procaryotes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noyau. C'était il y a un peu moins de 4 milliards d'années. Le début de la sexualisation, entre guillemets, on pourrait dire, la première étape, c'est la division entre le soma et le germen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Donc, effectivement, dans un organisme, les cellules somatiques, c'est celles qui vont constituer l'organisme, les différents tissus, etc. Et il y a une ségrégation des cellules qui sont le germen, qui vont donner les cellules sexuées, par exemple les spermatozoïdes et les ovules. Et ça cette distinction-là, elle survient très, très, très, très tôt dans l'évolution. On est à 3 milliards d'années, quelque chose comme ça. Voilà. Et c'est surtout, en fait, l'innovation majeure, c'est au moment où il y a de la méiose, c'est-à-dire un partage équitable entre les deux parents et qui vont ségréger à moitié-moitié dans les descendants. Alors, qu'est-ce que c'est que la méiose? Rappelons-nous, est-ce qu'on sait comment c'est apparu? Parce que les processus de division cellulaire, on est au tout début de la vie, une cellule, à un moment donné, se sépare en deux et ça crée deux clones. C'est la parthénogenèse. Au niveau cellulaire, c'est ce qu'on appelle la mitose. Mais il y a un moment donné où il y a un autre phénomène qui intervient, c'est la méiose. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Donc, même avant, comme on a dit, il y avait du brassage génétique. Hein. Les bactéries, maintenant, les procaryotes sont toujours capables d'intégrer de l'ADN, de le recombiner, etc. La méiose, l'innovation majeure, c'est vraiment cette équité entre les deux parents. C'est-à-dire que c'est sûrement un mécanisme qui a évolué pour éviter les tricheurs, pour éviter des gènes qui allaient se répandre de façon plus fréquente et voire tuer les gènes de l'autre parent pour se répandre de façon plus fréquente. Mais comment ça se passe au niveau cellulaire, en fait? Qu'est-ce que c'est que la méiose? En quoi ça consiste? Donc ça consiste à mettre ensemble les chromosomes des deux parents, les recombiner, mélanger un peu le matériel génétique et reséparer en deux cellules haploïdes qui auront du coup qui seront différentes des deux parents. D'accord, c'est en fait la constitution des gamètes, voilà. Donc avec d'une part les spermatozoïdes et d'autre part les ovaires pour ce qui est de la reproduction sexuée d'un classique. Certain nombre de, voilà, classiques des mammifères. Du coup, comment ça se passe pour les organismes procaryotes, justement, pour ces organismes qui n'ont pas de noyau? C'est quoi le cycle de reproduction d'une bactérie, par exemple? Elle va se multiplier, se reproduire à l'identique. Et puis, alors il y a plusieurs types d'échanges génétiques. Elle peut juste absorber de l'ADN du milieu, ou elle peut faire des structures spéciales qui vont ce qu'on appelle des conjugaisons, ou faire une structure pour échanger de l'ADN avec une autre bactérie, se passer des plasmides ou des bouts d'ADN. C'est ce qu'on appelle la reproduction, la sexualité horizontale, c'est ça? Oui, voilà. C'est le transfert de gènes horizontal. Le transfert de gènes horizontal, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de création d'un nouvel organisme à proprement parler, mais ça assure la mixité quand même génétique pour éviter justement d'avoir juste des clones identiques les uns aux autres. C'est ça, c'est pas à la différence de la méiose, il n'y a pas à un moment donné combinaison du matériel des deux parents puis génération des descendants, mais ça va être n'importe quand pendant la multiplication, intégrer un bout d'ADN, recombiner. Il y a plusieurs mécanismes de transfert de gènes au départ, ils apparaissent... On parle de transformation, transduction et conjugaison. Vous pouvez pas très demander. On va attendre Pierre-Henri Gouillon qui pourra certainement nous dire un mot à ce sujet-là. Il y a une autre hypothèse aussi. Il y a une autre hypothèse dans cette sexualité des départs. L'hypothèse du monde ARN où on parle de bulles libertines. Donc oui, c'était donc pendant longtemps on s'est demandé comment l'ADN avait pu évoluer. C'était un peu le problème de l'œuf et de la poule, puisqu'il faut des protéines pour synthétiser l'ADN qui lui-même code pour les protéines. Donc on avait du mal à imaginer comment ça pouvait apparaître tout d'un coup à la fois les deux. Donc c'était vraiment le problème de l'œuf et de la poule, et la solution est arrivée avec le monde ARN, qui est une molécule qui ressemble pas mal à l'ADN, mais qui est capable d'avoir une activité catalytique et donc de s'auto-répliquer en quelque sorte. Et donc, c'était avant l'émergence même des cellules. Et donc, on peut imaginer que c'était un monde où il y avait comme ça du matériel génétique en liberté, entre guillemets, dans une soupe primitive et qui donc pouvait recombiner avec... Il n'y avait pas de cellules même pour protéger ce matériel génétique. Et on sait à partir de quand, à peu près dans l'histoire de l'évolution, commence à apparaître véritablement la reproduction sexuée. Le plus ancien fossile eucaryote, on sait à peu près de quand ça date. On a un milliard d'années et quelques, un milliard, je crois que c'est, on est à 1,2 milliard d'années. C'est effectivement le premier eucaryote. Et c'est ce que je veux dire, c'est que ce mécanisme-là, tout immédiatement, il s'est imposé. C'est-à-dire que tout de suite, d'un seul coup, tous les organismes, que ce soit, parce que pour nous, on pense aux animaux, aux végétaux, aux champignons, qui sont en fait des catégories complètement dépassées, beaucoup trop grosses aujourd'hui. Mais néanmoins, d'un seul coup, tous les organismes se sont convertis à ce mode de reproduction sexuée. Alors, tous les eucaryotes actuellement ont ce mode de reproduction sexuée, à part ceux qui l'ont perdu récemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste énormément de bactéries, d'archébactéries et plein de protistes qui ne font pas la méiose, bien sûr. Pour qu'on comprenne bien, si on continue à avancer, en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte, effectivement, que dans la reproduction sexuée, on a donc, en règle générale, deux matériels génétiques assez distincts, type ovaire et type spermatozoïde. Et il y a une étude assez récente qui date du mois de février dernier qui montre que la reproduction sexuée pourrait être à l'origine un phénomène parasitaire. Oui. C'est-à-dire que finalement les spermatozoïdes pourraient entrer dans l'ovule à la manière un peu d'un virus qui pénètre une cellule. On peut effectivement imaginer qu'on peut voir les mâles un peu comme des parasites d'ailleurs. On peut se demander, en fait au départ, il n'y avait pas des cellules différentes mâles-femelles, tous les gamètes avaient à peu près la même taille. Et on peut se demander comment sont apparus le fait d'avoir des petits gamètes qui sont les spermatozoïdes et des gros gamètes qui sont des ovules. Et en fait la théorie évolutive, c'est effectivement que les petits gamètes seraient des parasites, hein, qui évidemment, un individu qui va faire des plus petits gamètes, il va pouvoir en faire plus, et donc féconder plus d'autres individus, et il va lui-même mettre moins de ressources dans l'œuf. Et donc c'est la femelle, du coup, qui va mettre le maximum de ressources dans l'œuf, et donc effectivement, les mâles peuvent être vus comme des parasites. Et ça, c'est le cas. Comment est-ce qu'on explique cette différenciation phénotypique des sexes, en fait? Comment est-ce qu'on explique qu'il y a une telle différence entre un individu qui va mettre beaucoup d'énergie pour produire des gros œufs et un autre qui va se contenter de produire en grande quantité des petits gamètes sans aucune forme d'apport énergétique. Donc on voit bien l'avantage effectivement de produire plein de gamètes avec peu d'apport énergétique, hein, ça va pouvoir permettre de laisser plus de descendants. Donc si on imagine un allèle qui code pour le fait de mettre moins de ressources dans ses gamètes, il va pouvoir en faire plus parce que les ressources sont limitées, il va donc faire plus de descendants, cet allèle va être plus représenté dans la génération suivante et va donc la sélection naturelle va être sélectionnée. Alors on peut se demander au contraire pourquoi du coup il y a des individus qui vont jouer le rôle femelle et accepter de mettre plein de ressources parasiter. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que finalement à l'origine on n'a pas créé finalement deux types de gamètes qui sont sur une sorte de plan d'égalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle de l'isotropie. C'est de l'isogamie. Excusez-moi. C'était ça au départ en fait, la situation ancestrale c'était l'isogamie, il y a encore plein d'espèces actuellement chez les champignons, les algues qui sont isogames. Mais il y a chez certains organismes, donc il y a une évolution vers des individus qui ont fait des petits gamètes qui sont devenus des mâles. Et alors on peut, pour essayer de comprendre pourquoi il y a des individus qui continuent à faire des gros gamètes, voire même des plus gros gamètes du coup que ce qu'il y avait en situation d'isogamie, on peut imaginer que c'est une espèce d'assurance, c'est-à-dire que s'il faut une taille minimale de l'œuf pour qu'il soit viable, faire des gros œufs, au moins on est sûr que notre œuf sera viable. Alors qu'un individu qui fait des petits gamètes, s'il féconde un autre qui fait des petits gamètes, peut-être que l'œuf ne sera pas viable parce qu'il sera trop petit. On va écouter dans quelques minutes justement ce qui est intéressant puisque vous travaillez votre domaine de travail, ce sont les champignons. Et ce qui est relativement intéressant avec les champignons, c'est que les champignons font partie de ces organismes qui ont un peu le choix entre les deux types de sexualité, les deux types de reproduction, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes passionnée pour la sexualité des champignons qui ont donc cette particularité de pouvoir se reproduire un peu comme ils le veulent. Et oui, notamment chez Aspergillus nigulans qui possède une reproduction dite facultative, c'est-à-dire qu'il peut choisir sa sexualité, tantôt sexuée, tantôt asexuée. La question qu'on peut se poser est alors, comment choisit-il et surtout en fonction de quoi ? Manuela Lopez Villavicencio étudie ce problème au laboratoire de cryptogamie du MNHN. Elle observe les facteurs biologiques et environnementaux qui influent sur le choix sexuel du champignon. Et malgré les nombreux travaux, la question reste encore ouverte. Les champignons, à la base, comme comme tous les eucaryotes, sont sexués à la base. Et il y en a qui sont capables de perdre la sexualité, qui vont perdre la sexualité, qui ont perdu la sexualité au cours de l'évolution. Et il y en a qui sont capables, qui ont été capables de faire les deux modes de reproduction. Et ici, dans votre laboratoire, vous étudiez une espèce qui est à la fois sexuée et asexuée. Ici, on travaille avec un champignon qui pousse dans les sols, une moisissure du sol. Il s'appelle Aspergillus nidulans. Et cette espèce-là peut se reproduire de façon asexuée ou de façon sexuée. C'est ce qu'on appelle les champignons à sexualité facultative. Et il y a des conditions qui vont favoriser soit l'un, soit l'autre. En fait, dans un cas, on a une reproduction conforme comme une copie du champignon. Et dans l'autre cas de la reproduction sexuée, on a un nouvel individu. Oui, dans la plupart des cas, c'est le cas. Et en plus, dans la reproduction asexuée, la mère va faire une progéniture qui va être identique entre elles. Donc tous les individus de la progéniture qui ont été produits de façon asexuée vont être identiques entre eux et qui vont être identiques aussi à la mère. Tandis que dans le cas de la reproduction sexuée, la progéniture va être en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, différente entre elles. Et en plus, ils vont être différents des parents. Alors justement, c'est pas un avantage évolutif d'avoir une création de diversité d'une génération à l'autre ? Ça, c'est une des explications qui essaie justement d'expliquer pourquoi le sexe est maintenu dans la nature. Mais il y a plein de désavantages aussi. Donc, quand on analyse aussi les désavantages de la reproduction sexuée, on voit que c'est quand même assez important et que ce n'est pas facile juste en disant qu'il y a la production d'une diversité dans la progéniture. Ce n'est pas toujours suffisant pour expliquer tous ces coûts qui représentent le fait de se reproduire de façon sexuée. Alors là, votre équipe travaille sur quoi précisément ? Là, on a une étudiante qui travaille sur justement essayer de trouver des avantages qui pourraient expliquer ces maintiens de la reproduction sexuée. Je m'appelle Olivia Gardella et je suis étudiante argentine à l'Université de Buenos Aires. Et je travaille donc sur l'espèce d'Aspergillus nidulans pour travailler un peu sur le sexe. Qu'est-ce que vous observez là ? En ce moment, on essaye de nettoyer en fait les structures de fructification sexuées pour ensuite pouvoir les isoler et voir s'il y a une récombinaison ou pas entre les croisements qu'on a fait de différentes souches de champignons. Ce qu'elle essaye de faire, c'est justement de voir s'il y a une différence dans la valeur adaptative entre la progéniture qui a été créée de façon asexuée et la progéniture qui a été créée de façon sexuée. Et en fait, on ne trouve pas des avantages de la reproduction sexuée. Donc on trouve qu'elle peut être vraiment très désavantageuse. Et on trouve que les individus qui se reproduisent de façon asexuée font beaucoup mieux que ceux qui se reproduisent de façon sexuée. Après, sous certaines conditions, on voit que ça peut être avantageux. Par exemple, quand on les fait pousser dans un environnement stressant, donc là, on voit que ça pourrait être avantageux de se reproduire de façon sexuée. Pour stresser, le milieu qu'on utilise ou l'environnement qui est stressant, c'est appliquer un fongicide dans une dose qui est non létale. Non, donc on les stresse vraiment. Donc l'idée derrière, c'est que quand même cette production d'une progéniture variable peut créer quelques individus qui ont des combinaisons de gènes qui les font capables de pousser dans des conditions que serait stressant pour les parents. Vous allez voir des sortes de gros ballons noirs. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence. Vous allez voir qu'elles sont assez évidentes et pour cette espèce, elles sont très faciles à manipuler. Donc jetez un œil. Ah oui, je vois des petites boules plus sombres dans un mélange un peu jaune. Il y a des gros ballons noirs qui sont assez évidents. Donc ceux-là sont les fructifications sexuées. Les fructifications ? Les fructifications, c'est une structure qu'on retrouve ici chez les champignons qui contient tous les spores qui ont été formés de façon sexuée. Et en plus, elle a les deux modes de reproduction. Donc ça permet vraiment de comparer ce qui se passe avec les individus qui sont formés par reproduction sexuée et ce qui se passe avec les individus qui sont formés par reproduction asexuée. Et en plus, on peut changer, modifier des paramètres, essayer de voir quelles sont les conditions qui peuvent favoriser un des modes de reproduction par rapport à d'autres. Par exemple, on a aussi des croisements qui ont été faits comme ça mais avec du fongicide, juste pour voir. Est-ce que s'il y a un environnement stressant, est-ce qu'elles font plus de reproduction asexuée ou de reproduction sexuée? Non, donc ça permet vraiment de se poser plein de questions sur comment la reproduction sexuée est maintenue et quelles sont les choses qui pourraient favoriser son maintien dans la nature. Donc la reproduction sexuée, étudier la reproduction sexuée de manière fondamentale permet de donner des éléments aussi, de participer à aux connaissances pour des choses qui ont un impact beaucoup plus appliqué pour l'homme et pour la nature. Voilà, donc si j'ai bien compris, chez les champignons, la reproduction sexuée serait la conséquence de leur stress. Oui, comme on disait tout à l'heure, la reproduction asexuée a tous les avantages, surtout quand on est dans un milieu stable, toujours le même. Il y a eu sélection des génotypes qui étaient le mieux adaptés à ce milieu-là, donc ils n'ont pas de raison de vouloir, a priori, recombiner et faire des nouvelles combinaisons génétiques, sauf à partir du moment où l'environnement change, et donc à ce moment-là, ils sont stressés, et ça peut induire la reproduction sexuée qui va faire du brassage génétique et produire des nouvelles combinaisons. Et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Henri Gouillon qui a fait très très vite. Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle à AgroParisTech et à Sciences Po Paris, chercheur au sein du laboratoire OSEM pour Origine, Structure et Évolution de la Biodiversité. Donc la sexualité, c'est un syndrome de stress. C'est connu des jardiniers. Si votre plante refuse de faire des fleurs, c'est-à-dire qu'elle se contente de croître de façon végétative, asexuée, eh bien vous la stressez et elle va fleurir. Ça, c'est une bonne méthode pour faire fleurir les plantes. Et chez certains animaux aussi, on sait que, par exemple, un insecte qui est en mauvais état, il va investir plus dans sa reproduction sexuée que dans sa survie. Et ça donne des résultats un peu scandaleux, d'une certaine façon, puisque effectivement, les petites mouches, les drosophiles, qu'on étudie beaucoup en génétique, eh bien, on sait qu'une femelle va investir plus dans ses œufs si jamais elle est malade que si elle est bien portante. Et du coup, eh ben, les mâles s'amusent à mettre du poison dans leur sperme. Ce qui fait que la femelle étant malade fait plus d'œufs. Et du coup, pour eux, c'est bon puisqu'ils font plus de descendants grâce au fait qu'ils ont rendu la femelle malade. Donc, vous voyez que c'est vraiment les liaisons entre le stress et le sexe sont nombreuses et variées. Mais et à l'inverse, chez des animaux, là, j'avance un peu, mais on trouve et on a trouvé récemment, par exemple, des cas inverses de femelles en captivité, notamment, je pense à une femelle anaconda. Je crois que ça a été trouvé aussi chez une espèce de requin zèbre où, en captivité, finalement, avec l'impossibilité de trouver des partenaires et de se reproduire, on retrouve des espèces qui retournent à la parthénogenèse, c'est-à-dire à la reproduction. Retour, hein. C'est pas un retour. C'est pas un retour, justement. Justement, cette idée qu'il y aurait eu de parthénogenèse ancestrale et puis qu'il y aurait eu le sexe après, ça, c'est sûr que alors, non. Alors, développe une parthénogenèse. Voilà, exactement. Mais la parthénogenèse peut être, dans certains cas, une réaction à l'absence de possibilité de se faire féconder. Donc, une réaction à un stress aussi, certainement. Est-ce que c'est un stress de pas être fécondé? Ça se discute, hein. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être une réponse. On discutait tout à l'heure avec Tatiana Giraud de cette différence du fait que la reproduction sexuée est donc très gourmande en énergie, que ça demande une mise en place de structures anatomiques adaptées, de mécanismes cellulaires propres comme la méiose, l'obligation de trouver un partenaire. En même temps, la parthénogenèse, on le dit, ne favorise pas le brassage génétique. Ça veut dire que si la parthénogenèse s'était maintenue, on n'aurait pas assisté à l'explosion évolutive. Ou est-ce qu'au contraire, malgré tout, on aurait pu imaginer une forme de recombinatoire sans reproduction sexuée, Tatiana Giraud, qui aurait permis malgré tout de maintenir une certaine forme de différenciation évolutive? Alors c'est difficile de savoir ce qui aurait pu se passer, mais effectivement c'est un peu le paradoxe de la reproduction sexuée, c'est-à-dire que à long terme c'est effectivement nécessaire pour arriver à s'adapter à des nouveaux environnements, des changements. Seulement à court terme on a vu que c'était désavantageux, et donc ce qu'on peut imaginer d'un point de vue évolutif, c'est que à court terme les espèces perdent la reproduction sexuée. Et on sait que ça arrive régulièrement, qu'il y a des espèces qui deviennent effectivement parthénogénétiques, mais à long terme elles n'arrivent pas à persister parce qu'elles n'arrivent pas à s'adapter à des changements environnementaux. Sauf qu'il y en a qui y arrivent, c'est tout le problème. On a entre autres un petit groupe de bestioles que je pense très peu de nos auditeurs connaissent, qui s'appellent des rotifères. Alors les rotifères, c'est des petites bêtes qui vivent dans les flaques d'eau, dans la rosée, sur la mousse, dans les forêts. Et parmi eux, il y a les rotifères bdelloïdes, qui sont un groupe très ancien. Adineta vaga, par exemple. Adineta vaga. Ah, bravo. et Ouais. Et eux, ils sont asexués depuis très longtemps et ils ont fabriqué des centaines d'espèces différentes sans sexe. Donc, en fait, on peut pas dire que ça soit absolument nécessaire d'être sexué, mais c'est sûr que ça doit aider à survivre. Et tout à l'heure, vous disiez que le sexe était coûteux parce qu'il demande des structures, etc. Il demande bien pire que ça. Il demande de fabriquer la moitié des individus qui servent à rien. Les mâles. Puisque les femelles font le travail toutes seules. Donc, effectivement, il y a déjà ce coût de produire une moitié d'individus qui servent pratiquement à rien, et puis en plus toutes les structures, donc, et en plus le fait que ça transmet des maladies, hein, on est bien placé pour le savoir dans les générations sida, donc il y a un énorme coût, et il faut quand même effectivement que l'avantage à long terme soit très très fort pour avoir réussi à trier parmi les espèces celles qui n'avaient pas perdu le sexe. Mais alors justement, vous parliez d'autres façons d'échanger de matériel génétique. Effectivement, les rotifères, il y a des nouvelles études qui suggèrent qu'ils pourraient faire des transferts horizontaux pour justement arriver à faire un peu de recombinaison quand même, malgré la perte de maïose. Mais alors, à ce moment-là, comment expliquer, Pierre Onguillon, le fait qu'il n'y ait pas eu un maintien d'isogamie? Moi, c'est cette question-là qu'on évoquait tout à l'heure avec Tatiana Giraud. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas deux formes de gros œufs qui se fusionnent et qui donne des sens à un nouvel être avec un partage, encore une fois, de la dépense énergétique, pourquoi pas de la gestation, avec une forme de maintien sur le même plan. En fait, il y a deux modèles. Il y a un qui est relativement bien établi et puis l'autre qui reste très hypothétique et très flou. Mais le premier, donc, c'est justement en partant de l'isogamie, on peut imaginer facilement que la sélection sélectionne progressivement le fait de faire des œufs de plus en plus gros, de manière à faire des descendants de plus en plus capables de se développer. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'espèces. On voit dans les lignées évolutives, on voit que l'œuf devient de plus en plus gros, de manière à faire un descendant bien bien viable. Et une fois que l'œuf est suffisamment gros, c'est-à-dire que les deux partenaires qui font de l'isogamie, ils ont des œufs tous les deux capables de faire un très très bel œuf, mais en fait chacun des deux serait capable de faire un œuf déjà qui marche. À partir de ce moment-là, comme l'a déjà dit Tatiana, ça devient facile de tricher. Il suffit de faire plein de tout petits gamètes, d'aller féconder tous ces très jolis œufs, et on va gagner. Donc l'apparition des mâles dans ce cas-là serait une perversion de l'isogamie qui arrive automatiquement dès que les œufs sont suffisamment gros. Et donc si les œufs sont devenus très souvent suffisamment gros, l'isogamie a disparu très souvent. Voilà, ça c'est une première explication. La deuxième, elle part de quelque chose que vous avez un peu éludé tout à l'heure, c'est la sexualité des prokaryotes. Oui. La conjugaison la transduction sont tous les deux liés à du parasitisme. On parlait des trois grands phénomènes qui organisent la sexualité des prokaryotes. Chez les prokaryotes, la transformation, transduction et conjugaison. Voilà. Donc la transformation, c'est simplement la bactérie qui mange de l'ADN et qui l'intègre dans son ADN. Bon, ça, c'est de la prédation, mais les deux autres, c'est lié au parasitisme. La transduction, c'est un virus qui infecte une bactérie et puis qui repart et qui embarque de l'ADN de la bactérie de départ et qui va le mettre dans la bactérie d'arrivée. Le deuxième, c'est un plasmide, donc c'est un petit bout de chromosome. Tatiana en a parlé, qui va passer d'une bactérie à l'autre, et pour aller infecter l'autre bactérie, elle produit un pilus, un petit tuyau en protéines qui va permettre de passer d'une bactérie à la suivante, et de la même façon, elle peut emporter des gènes de la bactérie de départ vers la bactérie d'arrivée. Et là, il s'agit de sexualité, mais pas de reproduction sexuelle. Absolument. C'est bien de la sexualité, mais il n'y a pas de production d'un nouvel individu. Il n'y a pas de production d'un individu en plus. Il y a un nouvel individu en quelque sorte, mais il n'est pas en plus, il est à la place de celui d'avant. Seulement, dans les deux cas, vous voyez que ce parasitisme, c'est, et d'ailleurs les microbiologistes, quand ils parlent de ces conjugaisons, ils parlent d'une bactérie mâle et femelle. Celle qui va infecter l'autre, ils l'appellent mâle, et celle qui est infectée, ils l'appellent femelle. Donc l'idée qu'il y ait dès le départ un système où il y en a un qui parasite l'autre, et qu'à partir de là, on soit parti d'un truc comme ça, et puis que ça ait fabriqué directement des mâles sans passer par la case isogamie, est aussi possible. Et franchement, le problème, c'est qu'on n'a pas de traces fossiles de tout ça. Donc pour le moment, puisque je le disais, les premières traces fossiles des premiers eucaryotes, c'est 1,2 milliard d'années. Oui, alors on a des traces fossiles là, et sûrement les eucaryotes existaient depuis avant. La reproduction sexuée, donc au sens méiose, fécondation, elle existait sûrement depuis avant ça. Mais là, on n'a aucune trace pour savoir à quel moment c'est apparu vraiment. Mais il reste plein d'espèces isogames. Il y a plein de champignons, d'algues qui... Dans l'espèce, dans le domaine plutôt, voilà, champignons, fungus, végétal. Un mot aussi, parce que du coup, pour revenir un peu, effectivement, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, un mot qu'on peut évoquer dans du transfert d'ADN et notamment chez les premiers eucaryotes, c'est les phénomènes d'endosymbiose, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, certaines cellules aient pu adapter intégrer un autre matériel génétique, les mitochondries ou les chloroplastes chez les végétaux, on est tout de même dans une forme de mixité génétique qui d'un seul coup va changer pas mal de choses pour la suite chez les eucaryotes, et qui peut expliquer entre autres le fait que ce soit dans les ovules que sont contenus, qu'est contenu le patrimoine génétique, notamment mitochondrial, et qui ne va pas se transmettre du coup via l'individu mâle. Alors ça aussi c'est un Pierre-Henri sujet Gouillon. De recherche compliqué. Pourquoi est-ce que c'est souvent les ovules qui transmettent les mitochondries, peut-être même toujours d'ailleurs. Toujours. Mais en revanche, les chloroplastes, c'est pas toujours. Dans quelques contre-exemples. Voilà, chez les gymnospermes, par exemple, il y a des cas où c'est les chloroplastes s'en passent par le mâle et pas par la femelle. Donc, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Hein, parce qu'au début, on se dit, c'est la plus grosse cellule, celle qui contient tout. En réalité, dans le spermatozoïde, il y a plein de mitochondries parce que le spermatozoïde, il faut qu'il bouge et les mitochondries, c'est ce qui fournit l'énergie à une cellule. Donc, un spermatozoïde sans mitochondries, il sera incapable d'atteindre un ovule. Il y a une spirale mitochondriale autour du flagelle qui permet de fournir l'énergie. Et donc, il se trouve que ces mitochondries, en général, ne passent pas. D'ailleurs, je dis bien en général, il y a des raisons de penser que ça arrive de temps en temps, qu'il y a une mitochondrie qui passe et que du coup, il y a une recombinaison. Peut-être d'ailleurs que c'est heureux parce que du coup, ça permet aux mitochondries de faire du sexe. Parce que je ne sais pas, nos mitochondries qui sont dans nos cellules, elles sont extrêmement importantes pour nous et elles ne font jamais de sexe. Donc, le risque lié à la perte du sexe, qui est d'une incapacité non seulement à évoluer, mais à réparer les mutations, parce que quand il y a des mutations dans un génome, si vous n'avez pas d'autre génome avec qui échanger, vous ne pourrez jamais la réparer. Hein. La meilleure manière de réparer un génome abîmé, c'est d'aller chercher un autre génome qui n'a pas le même problème et de recombiner avec. Donc le sexe, ça sert aussi à ça. Et nos mitochondries, peut-être qu'elles ne survivraient pas si de temps en temps, elles n'arrivaient pas à faire un peu de sexe grâce au fait que ça fuit. Hein. Mmh. D'ailleurs, chez les champignons, par exemple, qui sont isogames, ils ont des types sexuels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits et gros gamètes, mais ils peuvent se croiser entre types sexuels différents. Mm-hmm. Mais il y a des règles très strictes de qui va transmettre les mitochondries ou pas, parce que sinon, c'est toujours le même problème. Il peut y avoir des gènes tricheurs qui évoluent, qui apparaissent, avec par exemple des mitochondries qui vont se répliquer plus vite, mais être moins efficaces. Mmh. Et donc, il y a même des théories évolutives qui suggèrent que le maintien des sexes différents, mâle-femelle, serait uniquement dû à cette transmission des mitochondries par un seul des deux parents. Mais alors du coup, vous dites chez les champignons, il n'y a pas vraiment de sexe mâle-femelle, mais du coup, il y a des gros et des petits gamètes malgré tout. Comment est-ce Non. Alors ça dépend, il y a des champignons où il y a des petits et des gros gamètes, mais chaque individu est capable de produire les deux. Mmh. Et il y a des champignons chez lesquels c'est vraiment de l'isogamie, tous les gamètes ont la même taille. Par contre, ils se croisent que entre gamètes qui ont des allèles différents, un gène bien particulier. Donc c'est une forme de distinction, quoi qu'il arrive. Oui, alors c'est un peu, chez les champignons, on trouve de tout, c'est ça qui est génial avec les champignons. Et donc, on trouve aussi des cas où les gamètes sont en gros de même taille, mais il y en a un des deux qui ne transmet que son noyau, en gros. Donc, la taille du gamète, ça a une importance pour fabriquer la taille de l'œuf. A priori, quand il y a une vraie isogamie, les deux gamètes fusionnent et ça fabrique un œuf qui est deux fois plus gros que chaque gamète. Mais il y a des cas où un gamète envoie qu'un spermatozoïde. Il y a d'ailleurs des cas aussi de réversion vers une espèce d'isogamie chez les animaux. Il y a des drosophiles chez lesquels les spermatozoïdes font 2 cm de long. Alors une drosophile, ça fait 1 mm de long en gros. Et les spermatozoïdes font 2 cm, vous imaginez qu'ils sont tout tire-bouchonnés. Hein. Mais du coup, la taille d'un spermatozoïde est équivalente à la taille d'un ovule. Et comme le spermatozoïde rentre en entier dans l'ovule, et ben il doit sûrement nourrir l'œuf presque à égalité avec la femelle. Mais ça, c'est un problème de compétition entre les spermatozoïdes des mâles. Et donc, on a une espèce de retour à une isogamie à partir d'une situation qui était une situation d'anisogamie. Très différenciée. Voilà. La méthode scientifique, Nicolas Martin. I Want Your Sex, George Michael, puisque nous parlons tout au long de cette heure de reproduction sexuée, nous en parlons avec Tatiana Giraud, qui est directrice de recherche CNRS, directrice adjointe de l'UMR Écologie Systématique et Évolution à l'Université Paris-Sud, et Pierre-Henri Gouillon, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, AgroParisTech, Sciences Po Paris, entre autres. Alors, on va interroger un peu, on s'est interrogé sur le fait que la reproduction sexuée était, on l'a dit, pas contre-intuitive en termes évolutifs, elle a tout de même un certain nombre d'avantages, au premier rang desquels l'énorme capacité de mixage génétique et de mélange génétique que la parthénogenèse ne propose pas. Ça pourrait être suffisant finalement comme explication, Pierre-Henri Gouillon, à sa sélection évolutive. Il y a quelque chose de très contre-intuitif dans ce qu'on a compris de l'évolution à partir de Darwin et surtout à partir des années 70, quand on a compris que ce qui était sélectionné, c'était les gènes en réalité. C'est que la sélection naturelle ne favorise pas nécessairement ce qui est bon pour l'espèce. Il n'y a aucun mécanisme, a priori, qui fasse qu'on sélectionne ce qui est bon pour l'espèce. Si dans une espèce, deux individus sont différents et que l'un se reproduit plus que l'autre, alors c'est celui qui se reproduit le plus qui va envahir l'espèce. Même si ce qu'il fait n'est pas bon pour l'espèce. Or ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif. La plupart des gens pensent que la sélection va nécessairement faire le mieux pour l'espèce. Alors c'est vrai qu'on les gave avec des trucs comparables en économie, avec l'histoire de la main visible d'Adam Smith, dans lequel il est dit que si chaque individu maximise son propre intérêt, ça maximisera l'intérêt de l'ensemble. On sait bien que c'est pas vrai. En théorie des jeux, on utilise beaucoup la théorie des jeux en évolution. On peut montrer facilement dans des choses comme le dilemme du prisonnier, dont certains auditeurs ont sûrement entendu parler, que si chacun maximise son intérêt, ça n'aboutit pas à une optimisation de l'ensemble. Et donc, il faut bien comprendre ça. Si les formes asexuées laissent plus de descendants que les formes sexuées, a priori, les formes asexuées devraient éliminer les formes sexuées. C'est ça. La parthénogenèse est plus efficace, voilà, indiscutablement, parce qu'elle produit plus de descendants, c'est ce qu'on disait au tout début de l'émission. On peut faire une petite expérience de pensée, d'imaginer qu'une femme qui fait une population où toutes les femmes font deux enfants exactement, ce qui fait un homme, une femme, ça fait deux enfants, et du coup, la population est stable. Imaginez qu'apparaisse là-dedans une femme parthénogénétique, qui fait deux enfants comme les autres. Seulement, elle fait deux filles, comme elle. À la génération d'après, ça en fera quatre. À la génération d'après, ça en fera huit. Au bout de 10 générations, de puissance 10, ça fait 1000. Au bout de 20 générations, ça fait 1 million. Au bout de 30 générations, 1 milliard. Au bout de 40 générations, 1000 milliards. Donc, 40 générations à l'échelle de l'évolution, c'est rien. En 40 générations, la forme parthénogénétique aura totalement nettoyé la forme sexuée. Et donc, ce qu'il faut, Ce qui est le cas d'ailleurs quand des formes parthénogénétiques apparaissent, notamment dans le monde végétal ou animal, en général, dès qu'une forme parthénogénétique apparaît, elle supprime quasiment. On peut supposer que c'est arrivé un certain nombre de fois, puisqu'on observe ça. Ça, je pense qu'on va vous raconter quelques histoires là-dessus, évidemment. On observe effectivement cette perte de la reproduction sexuée chez un certain nombre d'organismes. Et sûrement, c'est pas bon pour ces organismes, mais la sélection va favoriser ça. Donc, le challenge, c'est de comprendre comment ça se fait que malgré tout ça, il y ait tellement de formes sexuées sur Terre. 95%, Tatiana Giraud. Oui, mais donc, il y a beaucoup de formes parthénogénétiques, et dans tous les groupes, pratiquement sauf les mammifères, les poissons, les plantes, évidemment, les champignons, mais aussi beaucoup d'animaux, d'insectes, des lézards. Et effectivement, dans ces formes parthénogénétiques, souvent, on trouve une espèce de réminiscence de comportements sexués qui montre que ces espèces ont sûrement été sexuées il n'y a pas si longtemps et ont perdu la capacité à être sexuées récemment, sûrement par l'invasion de mutantes comme ça parthénogénétiques. Par exemple, il y a des lézards où il n'y a que des femelles, mais elles ne peuvent pas ovuler sans se faire entre elles une parade nuptiale, comme font des espèces proches entre mâles et femelles, des poissons, pareil. D'ailleurs, ces lézards sont en photo sur le site de l'émission et ont été tweetés. Donc, si vous avez vu l'annonce sur Twitter, ces lézards-là. Les deux petites lézards. Ils s'appellent les lézards fouette-queue, donc c'est deux femelles en train de copuler. Et puis il y a aussi les poissons, donc pareil, des espèces de poissons parthénogénétiques, donc il n'y a que des femelles qui se reproduisent sans avoir besoin de mâles, il n'y a pas de mâles dans l'espèce, mais leur œuf ne peut se développer que si elle a été quand même même fertilisé, enfin, ou un début de fertilisation par un spermatozoïde, mais il y a plus de mâle d'une autre espèce. Voilà, d'une espèce apparentée. Donc évidemment, le spermatozoïde rentre dans l'ovule, mais comme l'ovule il a déjà tout ce qu'il faut, il le recrache, hein, mais ça lui permet juste de démarrer son développement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez un petit ver. Nous, on a un petit ver qu'on aime beaucoup, un petit ver blanc qui s'appelle des nématodes, quoi. Les nématodes élégance. Voilà, classique. C'est l'orabditis élégance. Bah, il y a un cousin qui s'appelle mésorabditis, chez lesquels les femelles font de la parthénogénèse. Et pareil, il y a besoin d'une pénétration des spermatozoïdes dans l'œuf pour démarrer. Et le spermatozoïde est éjecté en général, mais chez ces femelles-là, de temps en temps, elles le gardent. Et du coup, ça fera un mâle qui fera les spermatozoïdes pour la génération d'après. Donc, il y a plein de modalités de la perte du sexe. On entend bien que, donc, la parthénogénèse est aujourd'hui un accident d'une mutation de la reproduction sexuelle. Et que parfois, bien, donc, encore une fois, on parle de 5% des cas, eh bien, elle se maintient, mais bon an, mal an, hein, plus ou moins. J'aimerais qu'on revienne tout de même sur cette notion de sélection du partenaire qui a longtemps été l'idéal darwinien, de se dire, mais voilà, la femelle qui sélectionne, puisque c'est le cas dans la plupart des espèces animales en tout cas, la femelle qui sélectionne va aller chercher les caractères sexuels secondaires les plus développés, les grands bois pour les cerfs, le plumage le plus coloré chez l'oiseau. Donc, ça favorise justement la sélection intuitive du partenaire du partenaire idéal, c'est-à-dire du partenaire avec le patrimoine génétique finalement le plus à même de se reproduire. Mais cette idée-là, elle est complètement fausse. C'est un sujet de débat. En tout cas, tant que la science était faite par des hommes, c'était vraiment l'hypothèse dominante, c'est-à-dire que les femelles choisissaient les plus beaux mâles pour avoir des bons gènes. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'un des éléments qui a beaucoup servi ça, c'est un dénommé William Hamilton, qui a été un des très grands évolutionnistes de la fin du XXe siècle, qui l'a proposé avec une collègue. Et c'était l'idée que si les femelles oiseaux aiment les mâles avec des plumages brillants, c'est parce que quand un oiseau est malade, eh ben son plumage devient terne. Et du coup, les femelles choisissant des mâles en bonne santé choisissaient des mâles au plumage brillant. Et du coup, les mâles ont été sélectionnés pour faire des plumages de plus en plus brillants. Ce qu'il y a de remarquable avec cette hypothèse, c'est que ce qu'en a déduit donc Hamilton et sa collègue, ce qu'ils en ont déduit tous les deux, eh bien c'était que les femelles choisissaient des mâles qui étaient en bonne santé pour avoir des mâles qui possédaient les gènes de résistance aux maladies du moment, de manière à transmettre les gènes aux descendants. Tout ça suppose un sacré instinct quand même. C'est sûr qu'elles choisissent. La chose remarquable, c'est que à l'époque, comme c'était quand même dominé par des hommes toutes ces questions-là, eh bien l'idée qu'il y avait une bonne raison pour les femelles de choisir un mâle pas malade, c'était qu'elle n'avait pas envie d'attraper les maladies elles-mêmes. Hein, si vous demandez à une femme pourquoi elle n'a pas envie de sortir avec un mec qui a l'air tout souffreteux et malade, une bonne raison, c'est de pas avoir envie d'attraper les maladies elles-mêmes. Eh ben, cette idée, elle ne leur venait pas. Hein. Donc, tout compte fait, il n'y avait pas besoin que les femelles aillent choisir des mâles avec des bons gènes pour qu'elles choisissent des mâles en bonne santé. Il suffisait qu'elle ait envie de choisir un mâle qui, d'une part, serait capable de s'occuper des petits, d'ailleurs, et d'autre part, lui transmettrait pas de maladie. Voilà. Donc ces idées-là, elles ont été un peu critiquées. Et il y a eu un modèle qui est sorti en 1930, qui est assez intéressant sur ce plan-là. C'est un modèle qui montre que, à partir du moment où les femelles, pour une raison quelconque, aiment bien une caractéristique chez un mâle, par exemple, les femelles aiment bien les fruits rouges, et ben elles aiment bien une tache rouge sur la tête du mâle, et ben du coup, ça va sélectionner les mâles qui ont cette tache, puisqu'ils seront préférés, et du coup, ça va sélectionner les femelles qui préfèrent cette tache, parce que du coup, leurs fils seront sexy. On appelle ça la sexy son hypothesis en anglais. Et du coup, il y a l'hypothèse du fils sexy. Un effet d'entraînement qui fait que de plus en plus les femelles vont choisir ce truc-là, de plus en plus les mâles vont l'avoir, et du coup, ça va devenir un truc très fort. Et ce qui serait un pur effet d'entraînement, et du coup, et qui n'est pas du tout sélectionné par une volonté, par un instinct. Ça vient au départ. Qu'est-ce qui fait que la femelle a un choix au départ? Eh ben, il y a des femmes qui ont fait une manip très rigolote pour tester ça. Elles ont mis des cravates et des chapeaux à des oiseaux. Ça n'avait aucun sens, mais les femelles ont choisi, ce qui montre qu'effectivement, les femelles ont un sens esthétique d'une manière ou d'une autre, et que du coup, ce sens esthétique suffit à expliquer un certain nombre de choses. Oui, dans l'expérience, les femelles ont fini effectivement par choisir les oiseaux qui portaient le chapeau et la cravate. Un mot, puis je me retourne vers Tatiana Giraud, puisque vous travaillez sur certains champignons, mais les plantes à fleurs, les angiospermes, sont très souvent hermaphrodites. Par ailleurs, elles peuvent également, pour la plupart, se reproduire de façon non sexuée. Finalement, pourquoi est-ce que ce double trait-là n'a pas été retenu par le monde animal, là aussi? Finalement, l'hermaphroditisme, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans le monde végétal. Pourquoi est-ce que ça a été exclu de la sélection du monde animal? C'est effectivement une très bonne question et aussi une grande énigme scientifique pour laquelle on n'a pas toutes les réponses. Mais il y a quelques animaux, hein, hermaphrodites, quelques escargots, mais effectivement la plupart ont des sexes séparés. Chez les plantes aussi, hein, y en a qui ont des sexes séparés. Alors effectivement, il y a des hypothèses évolutives pour savoir, pour essayer de comprendre pourquoi à partir d'un hermaphrodite, on va aller vers... alors il y a des espèces où il va y avoir des individus femelles et des individus qui sont hermaphrodites, et puis après vers complètement des sexes séparés. Alors, une des hypothèses pourrait être que si on n'est que femelle, on va être une meilleure femelle que si on est hermaphrodite. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas les doubles fonctions mâle et femelle, mais du coup, on peut investir plus de ressources et faire des meilleures graines, par exemple plus de graines, et du coup, avoir un avantage sélectif. Pierre-Henri Gouillon ? Ouais, chez les plantes, l'hermaphrodisme peut s'expliquer par le fait l'hermaphrodisme, j'ai dit l'hermaphroditisme, Non, je sais pas. C'est, je sais pas, en anglais, c'est hermaphrodisme. oui, donc ça va être hermaphrodisme. Mais je crois qu'en anglais, c'est hermaphrodisme, mais bon, je suis pas sûr. En tout cas, chez les plantes, le fait d'être hermaphrodite peut être favorisé par le fait que la fleur est un investissement commun dans les deux fonctions. La fleur, elle va servir à la fois à attirer les pollinisateurs ou à recueillir le pollen, en tout cas, quand on est une femelle, et à émettre du pollen et à le transférer vers les autres plantes quand on est mâle. Donc il y a une structure commune. Chez les animaux, il n'y a pas vraiment de structure commune. Au contraire, c'est plus compliqué de faire les deux structures en même temps que d'en faire qu'une seule. Et du coup, on peut admettre que ça explique pourquoi chez les plantes, comme l'a dit Tatiana, ça arrive que les plantes aient des sexes séparés, mais c'est plutôt l'exception que la règle, alors que chez les animaux, c'est le contraire. Tout compte fait, c'est peut-être plus facile de faire un mâle ou une femelle, d'autant que comme les mâles peuvent se déplacer et aller chercher les femelles, et ben chez les animaux, il n'y a pas de problème, ils peuvent pas avoir intérêt à pouvoir s'autoféconder, etc. Chez les plantes, ça peut arriver que ça soit utile. Donc on peut imaginer effectivement que le fait que les organes soient pas de même nature et que du coup chez les animaux il n'y ait pas beaucoup de structures communes. Si vous regardez un escargot, ben le système sexuel, il y a la partie mâle, il y a la partie femelle, il y a aucune structure commune entre les deux. Alors que chez les plantes, il y a une grosse structure commune entre les deux, ça explique peut-être le maintien de l'hermaphrodisme. Et on peut imaginer aussi certains parasites et tricheurs, hein, puisque par exemple dans les gènes des mitochondries, elles se transmettent que par les femelles, et donc il faut imaginer qu'il y ait des gènes qui évoluent pour faire que donc les gènes des mitochondries, si elles sont dans un individu qui est que femelle, elles vont plus se transmettre qu'un individu hermaphrodite. Et effectivement, il y a des gènes tricheurs, parasites qui ont évolué en codant pour une stérilité mâle des individus qu'ils portent. Et on évoque souvent, et on l'a dit aussi ici, donc l'avantage principal de la méiose et donc de la reproduction sexuée, c'est le brassage génétique, parce que ça permet d'éliminer les gènes déficients. Et finalement, est-ce que c'est pas tout simplement la diploïdie qui permet ça ? Est-ce que c'est pas juste le fait qu'il y ait deux allèles au chromosome et donc du coup des gènes récessifs et des gènes dominants, finalement, la diploïdie, ça permet d'éviter d'installer des gènes, des mutations génétiques défavorables parce qu'il reste toujours un gène dominant et qu'il est exprimé la plupart du temps contre le gène récessif. Alors ça, c'est vrai à court terme. C'est-à-dire, si tout d'un coup, vous doublez votre génome, effectivement, vous allez abriter les mutations délétères, enfin, pas doubler le même, mais mettez deux copies de génome ensemble, vous allez abriter des mutations délétères. Mais en fait, à long terme, du coup, elles vont s'accumuler. Et à long terme, à l'équilibre, il y aura autant de mutations délétères, autant d'individus qui naissent avec des mutations délétères qu'en situation haploïde. Si vous voulez, en gros, chez un organisme qui aurait qu'un seul génome, eh bien, chaque gène aurait une forme mutée délétère, donc une maladie génétique, si vous voulez, avec une probabilité 1 sur 1 million. Alors que dans notre génome à nous, c'est de l'ordre de 1 pour 1000. 1 pour 1000, parce que, justement, les formes, les mutations désagréables, les mutations de maladies génétiques, elles se cachent parce qu'elles sont récessives et du coup, bon, on les voit pas. Et du coup, elles se maintiennent jusqu'au moment où elles apparaissent avec une probabilité 1 sur 1 million, ce qui arrive quand elles sont en proportion 1 pour 1000. Donc, en réalité, la diploïdie, on a rêvé que ça soit une manière de se protéger, mais ça suffit pas. Il faut non seulement la diploïdie, mais en plus aller chercher un autre génome. Et un génome de préférence très très distinct, aussi différent que possible. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui la grande distinction, la grande différenciation qu'il y a entre les caractères sexuels secondaires chez les femelles et chez les mâles, c'est-à-dire que là c'est vraiment une question juste de choix. Les caractères sexuels secondaires, je pense que vraiment là les caractères sexuels secondaires les plus visibles, C'est lié au choix. Hein. C'est-à-dire souvent, c'est les femelles qui choisissent les mâles. Donc, quand vous regardez des canards, ben, les femelles, elles ont un plumage qui est bien fait pour se cacher. Les mâles, ils ont un plumage bien visible. Ça aussi, c'est très contre-intuitif en termes évolutifs. Puisque la sélection sexuelle, ça aurait tendance à dire qu'il faut que les caractéristiques sexuelles secondaires soient les plus visibles possibles, soient les plus manifestes possibles. Or, un plumage très, très, très coloré, très bigarré, ça va plutôt dans le sens inverse de la protection contre les prédateurs en termes évolutifs. Oui, mais voilà, l'idée, c'est que c'est plus rentable pour un mâle d'être coloré parce que du coup, il plaira aux femelles que d'être terne et de bien résister et de bien se cacher par rapport aux prédateurs. C'est toujours, il y a des cas tout à fait terrifiants. Il y a l'accouchement des hyènes tachetées qui est parmi les choses les pires qu'on puisse rêver, puisque les hyènes tachetées, c'est des structures matriarcales où il y a une femelle dominante et la femelle dominante est la seule à pouvoir faire des descendants, les autres n'ont pas le droit. Il y a des discussions là-dessus, mais enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elles produisent pas mal de testostérone et qu'elles ont un très grand clitoris, c'est aussi grand qu'un pénis, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, quand elles sont en conflit, elles se montrent leur clitoris, celle qui a le plus grand gagne. En gros, elles se battent pas beaucoup. C'est plus paisible que dans les sociétés patriarcales. Oui, mais ce qui est pas paisible, c'est que malheureusement, chez elles, le clitoris est refermé autour de l'entrée du vagin. Mmh. Et que donc, le petit sort par là. Et comme le clitoris est très long, le cordon ombilical est trop court. Et donc, il y a plein de petits, un tiers des petits qui meurent avant de sortir. Donc, c'est une idée. Vous voyez bien comment la sélection arrive à un truc idiot. Mmh. Il y a un tiers des petits qui meurent, mais n'empêche que la hyène a quand même intérêt à avoir un grand clitoris, sinon elle serait pas dominante et elle pourrait pas faire de descendants. Donc, il y a une logique sélective qui est parfaitement compréhensible dans ces affaires et qui n'aboutit pas du tout à quelque chose d'optimal. Je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes qu'on apprend quand on étudie le sexe, c'est à quel point tout ce système n'est pas optimisé. Mmh. C'est du bricolage, et ce qui marche le mieux reste. C'est tout à fait vrai pour la reproduction sexuée animale, c'est moins vrai pour la reproduction sexuée végétale, dont on a l'impression que les choses sont quand même tout de même plus rationnelles et se sont faites, que ce soit chez les angiospermes que chez les gymnospermes, de manière un peu plus rationnelle, non ? Je pense que c'est juste qu'on est plus éloigné, donc on se rend moins compte des conflits. Mais il y a aussi une énorme sélection sexuelle chez les plantes, hein, avec les fleurs, par exemple, des formes. Oui, promenez-vous dans la forêt des Landes au moment de la floraison. Là, vous allez voir des nuages de pollen absolument monstrueux qui sortent des arbres. Si vous allez voir des rivières de pollen jaune par terre, c'est un gâchis monstrueux. Hein. Il n'y a absolument pas besoin de produire tout ce pollen. Mais évidemment, chaque mâle est en compétition avec les autres. Chaque fleur mâle est en compétition avec les autres fleurs mâles pour produire du plus de pollen. Et donc, il y a une sélection pour une surproduction de pollen complètement ridicule. Mais c'est ça que la sélection fait. Et évidemment qu'il serait bien plus optimal d'investir plus dans la fonction femelle et moins dans la fonction mâle. Simplement, un individu qui investirait plus dans la fonction femelle et moins dans la fonction mâle se reproduirait moins, parce que comme il investirait moins dans la fonction mâle, ses femelles seraient fécondées par plein de mâles et lui, il en féconderait pas beaucoup et il y perdrait. Donc on peut vraiment montrer très facilement comment la sélection aboutit à des choses qui sont pas optimales chez les plantes aussi, rassurez-vous, il n'y a pas que chez nous que ça soit idiot. Bon, pour conclure dans les quelques minutes qui nous restent, déjà finalement une question toute simple, toute bête, pourquoi deux sexes, pourquoi pas plus de différents types de gamètes finalement ? Alors, c'est une bonne question. Tatiana Giraud. Donc si on revient à l'hypothèse dont je parlais tout à l'heure, que les sexes sont apparus ou maintenus pour transmettre les mythes, pour qu'il n'y ait qu'un seul qui transmette les mitochondries, alors cette hypothèse est peut-être pas vérifiée, mais le fait est que effectivement la plupart du temps, c'est soit un sexe, soit un type sexuel qui transmet les mitochondries. Et dans ces cas-là, c'est très difficile d'en avoir plus, parce qu'il faut une hiérarchie très précise de savoir qui transmet. Ça existe, il y a certains cas, des ciliés par exemple, qui ont 13 types sexuels différents, avec une hiérarchie très précise de qui transmet les mitochondries. Mais c'est très compliqué à faire. Et donc ça, c'est une hypothèse pour expliquer pourquoi il n'y aurait pas plusieurs, plein de types sexuels par exemple. Alors dans le cas des sexes différents, des tailles de gamètes différents, ça c'est plutôt lié à l'histoire dont on parlait tout à l'heure, des parasites, le fait de faire des petits et des gros gamètes. Là, il y a plein de modèles mathématiques par exemple qui ont été faits pour essayer de voir si on pouvait faire émerger un troisième sexe avec une taille un peu intermédiaire. Et globalement, ça se maintient pas, ça évolue pas. Pierre Rigouillon. Oui, ça dépend un peu ce qu'on appelle sexe d'ailleurs, hein, parce qu'effectivement, donc si jamais il y a un sexe qui produit des gros gamètes et l'autre le petit, il y a que ces deux possibilités-là, les possibilités intermédiaires marchent pas. Si ce que j'appelle sexe, non pas c'est pas un type de gamète, mais c'est un type d'individu, c'est-à-dire des groupes d'individus. Si j'appelle sexe un groupe d'individus qui doit aller chercher dans l'autre groupe pour se reproduire. Parce que les deux sont mélangés chez nous. C'est-à-dire que les mâles et les femelles, chacun des deux a besoin de l'autre pour faire des descendants. Et en plus, il y en a un qui fait des gros gamètes et l'autre des petits. Mais dans l'autre sens, donc groupe d'individus qui doivent se reproduire avec l'autre et pas entre eux. Alors là, il n'y en a pas du tout toujours deux. Tatiana parlait de type sexuel. Hein, donc on appelle ça plutôt des types sexuels quand c'est en isogamie. Et donc là, vous pouvez en avoir plein. Chez les plantes, on va trouver des situations effectivement où des plantes sont hermaphrodites. Alors ça a été bien décrit par Darwin. Hein, c'est des plantes qui ont qui peuvent avoir un style. C'est le truc qui reçoit le pollen et les étamines qui produisent le pollen. Ben, y en a qui ont un style long et des étamines courtes, et les autres qui ont un style court et des étamines longues. Et bien dans ce cas-là, tout le monde est hermaphrodite, mais il y a deux sexes. Parce que celles qui ont des étamines courtes peuvent pas se croiser avec des plantes qui ont des étamines courtes. Il faut qu'elles aillent trouver celles qui ont des étamines longues et réciproquement. Donc vous avez deux sexes, tous les deux hermaphrodites. Et dans une espèce qui s'appelle Oxalis, vous trouvez un troisième sexe avec des longueurs intermédiaires. Et puis si vous allez plus loin, bah chez le trèfle, il y a un mécanisme qui empêche l'autofécondation, mais qui empêche même la fécondation entre individus d'un même groupe. Et là, il y a beaucoup de formes des gènes en question, et du coup, il y a des centaines de sexes. Donc en termes de groupes d'individus qui ne peuvent pas se croiser avec eux-mêmes mais avec les autres, alors là, le nombre de sexes est très très variable. Mais c'est vrai que vous avez raison, la situation avec deux sexes ou deux types sexuels, c'est la plus défavorable, parce que chaque individu est incompatible avec la moitié de la population. Hein. C'est comme disait Woody Allen, quand on est bisexuel, on double nos chances au samedi soir. Et effectivement, les champignons, les champignons qu'on mange, il y a des milliers de types sexuels dans la nature. Et on était à deux doigts d'apprendre que les champignons étaient bisexuels. Non, pour conclure... Multisexuels. Et pour conclure, on ne peut pas, évidemment, pas conclure cette émission sans évoquer la question du plaisir. Voilà encore quelque chose qui détourne. Déjà, elle n'est évidemment pas présente chez la plupart des espèces animales, mais parlons de nous un peu. Voilà quelque chose qui nous détourne aussi de notre pur devoir reproductif. Le plaisir, c'est complètement contre-intuitif en termes d'évolution ou pas, Pierre-Henri Gouillon ? Alors, primo, c'est pas du tout contre-intuitif en termes d'évolution. On peut dire que d'une certaine façon, les gènes qui sont sélectionnés pour nous donner tout ce qu'il faut pour que nous ayons tendance à les reproduire, vont nous donner du plaisir quand on fait ce qui les reproduit et de la douleur quand on fait le contraire. Et donc, vous pouvez très bien constater que tout ce qui va aller en faveur du fait de reproduire vos gènes, en particulier l'acte sexuel, va vous produire que du plaisir, alors que les choses qui vont contre, c'est-à-dire si vous vous abîmez, que c'est pas bon pour la reproduction de vos gènes, vous allez vous faire mal. Donc les centres de la douleur et du plaisir sont indéniablement un moyen de guider les comportements des organismes en faveur de la reproduction des gènes. Mais ce qu'il faut voir aussi, effectivement, je pense que ça serait dommage de terminer cette émission sans en parler, c'est que chez des tas d'espèces, dont la nôtre, le sexe et le plaisir qui va avec, mais pas seulement, l'attachement, etc., eh bien, va jouer un rôle social qui peut être largement aussi important que le rôle reproducteur. Et découplé de la reproduction. Absolument. Et donc, chez les bonobos, on sait très bien que quand il y a deux singes qui commencent à s'engueuler, ben voilà, il y en a d'autres qui viennent copuler avec eux pour les calmer. Ça se fait moins chez les humains, mais il y a aussi un certain nombre Ça donnerait des réunions professionnelles intéressantes. En tout cas, il est certain que le sexe, dans toutes les sociétés, animales sans doute, et en particulier humaines, a un rôle social qui est très important et qu'on ne peut pas restreindre le sexe à la question de la reproduction. On ne peut pas restreindre le sexe à la question de la reproduction. Est-ce qu'on sait quelles sont les espèces? Est-ce qu'on quantifie à peu près à quel moment? Est-ce que toutes les espèces animales, alors pour parler des espèces animales, et quelles sont celles en tout cas qui éprouvent du plaisir dans la sexualité? On le sait, on a une idée de ça. On sait mettre une limite. Tous ceux qui ont assisté à des chats en train de copuler, à des chats sauvages, on n'a pas l'impression que c'est une partie de plaisir particulièrement. Ouais, mais moi, si vous regardez des films X, des fois, vous avez vraiment pas l'impression qu'ils prennent du plaisir non plus. Enfin bref, je sais pas si... Je pense qu'on a du mal à définir le plaisir, franchement. Moi, je pense que la plupart du temps, il y a quand même un certain plaisir chez les animaux qui nous ressemblent suffisamment. Sauf quand il s'agit de viol ou de choses comme ça, évidemment, ça existe. Après, quand il s'agit d'animaux trop différents, vous savez, on en est juste au début de commencer à se rendre compte qu'il y a de l'affect, qu'il y a de l'empathie chez les animaux. On a tellement cru que c'était des machines qu'on n'a jamais vraiment étudié ces aspects-là. Moi, je suis convaincu qu'on va beaucoup avancer là-dessus. Il y a des tas de travaux qui sortent actuellement, qui montrent à quel point il y a des choses qu'on croyait réservées aux humains et qu'on retrouve aussi chez des animaux. Il y a assez peu de chances que ce domaine-là ne soit pas touché lui aussi. Merci beaucoup, ce sera très bien comme mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Henri Gouillon, merci beaucoup Tatiana Giraud. Si vous voulez vous faire plaisir précisément, vous avez plein de solutions et plein d'idées pour le faire maintenant, mais vous pouvez aussi réécouter l'émission en vous rendant sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lezen, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Elisabeth Gornescoteau au droit d'auteur. Et demain, énormément de plaisir encore, hein, puisque alors que l'enfant prodigue vient de redescendre sur Terre, nous allons nous faire le trajet inverse et remonter dans l'espace, là où Thomas Pesquet vient de passer un peu plus de 6 mois. Nous parlerons de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, que certains qualifient de laboratoire le plus cher du monde.